manqué, tu ne réponds pas, mais je t'en veux pas. J'assez fidèle au poste pour toi, ne t'en fais pas. À la maison, tu nous manques, je t'en fais part. Je te veux dans mes bras. J'ai fait la demande du parloir il y a deux jours, mon amour, j'attends la réponse. L'avocat m'a dit qu'il avait des choses sur toi, je sais pas ce qui te reproche. T'as fait ça pour nous, je le sais, je le sens, des fois j'ai mal quand j'y pense. On n'avait pas besoin de ça, moi je t'aime, tu le sais, avec ou sans rien dans les poches. Le petit me demande où tu es, je lui dis pas tout. J'aime pas mentir, mais au fond je m'en veux trop. Je sais que c'est pas facile pour toi, mais tiens le coup. Je te tournerai pas le dos. Je sers mais faut que j'assume. Je récolte que ce que je sème. Je sais que tu saignes mais je t'assure. J'ai fait ça pour que l'on soit bien. Je voulais blinder ton cœur et le compte épargne. Depuis le départ j'avais tout à perdre, mais j'ai tout fait pour que l'on t'épargne. Quand le petit te demande où je suis, dis-lui que je suis en vacances ou bien que je suis au travail. Ce que je regrette c'est de pas t'avoir dit tout ce temps où j'étais en cavale. Les armes et les fusillades, je sais que je te rends malade. À 6h du mat, la police tape fort, mon amour je te laisse, je descends en promenade. Bisous. Présente malgré les mois et les années. Les menottes me serrent au bas.